La première fois que j'ai posé les pieds dans le truc, je crois que j'en avais 12. Étouffé par les tours, fallait que je te chante mon blues. A l'époque j'étais ce pestiféré qui faisait du rap, ce passionné qui faisait du grabu. Je compte l'état et ses abus. Je trouvais mon salut dans les armes, les euros et la chatte. Ce qu'on t'apprend dans la rue, c'est prendre tes thunes et n'achave. Gare à toi si pour quelques détails tu brises l'omerta. T'étonnes pas si par malheur un jour tu t'enlèves pas. Les coups bas sont aussi précoces que les coupables. Ça jette en prison à tout bas. Ça part racisme anti-toupable, l'auto-roi. T'as fait croire qu'on a tout gardé de l'animal. Chez nous y'a que des cannibales. Qu'il faut interdire Paris, mais t'inquiète, on arrive. On vient récupérer nos barils de fuel, ceux pour lesquels tu nous sous-alimentes. Et t'as créé le problème d'Aliport. J'suis pas un arrivant, alors fais pas le chelou. Nous on progresse sur nos troupes, nos adversaires seront tués sur le coup. J'ai pas demandé à goûter cette mer qui me suit. J'ai comme instinct de survie. Des souvenirs qui me guident. La rage des blocs qui m'inspirent. J'ai pas demandé à goûter cette mer qui me suit. J'ai comme instinct de survie. Des souvenirs qui me guident. La rage des blocs qui m'inspirent. On en est capable, sans que t'aies besoin d'être sous la table, frelo. Voir comment l'Afrique aille pas fou nos idéaux sur nos portables vidéo. Je t'attends en bas de chez moi. J'évolue au sein d'une guerre froide où la douleur affronte le ministère de l'Intérieur. Tu verras mieux comment tes fils y se perdent. En bas les gosses ne rêvent plus, ils s'affirment, ils te traquent pour un saphir. Si tu regardes bien, c'est pour eux que tu tapines. Tu me parles de cash, mais nous on n'a pas de bateau ni d'avion qui nous ravitaille. Balaye déjà devant ta porte avant de m'insulter, dracaille. Moi je te donne sa manière exotique, je te balance un topic pour les fantômes de l'Éthiopie. J'ai pas demandé à goûter cette mer qui me suit. J'ai comme instinct de survie. Allez vous faire mettre, bande de bâtards.